Toujours en Corée, les fabriques de serviettes viennent d'être construites à la ville de Hamon de la province de Hamgyong du Sud et à la ville de Haesan de la province du Ryanggang. Les services de leur inauguration ont eu lieu sur place.